Donc bonjour, donc, je suis Lucie Boissemin, je suis en fin de première année de thèse auprès du LABEX AECC qui finance cette recherche et plus précisément au sein du laboratoire Culture Constructive. C'est une thèse qui s'inscrit à la fois en architecture et en sciences territoriales et je suis encadrée à ce titre par Romain Lajarge et Anne Coste. Anne Coste qui s'excuse de n'avoir pas pu venir aujourd'hui parce qu'elle est en Angleterre. Donc après un premier temps dans lequel je vais présenter un constat de départ et quelques jalons de mon positionnement théorique, j'en arriverai à la question donc, de la problématique et de l'hypothèse pour aborder dans un second temps les terrains et la méthode que je compte employer. Et je terminerai par une première intuition, une première piste d'analyse issue de mes premiers moments sur le terrain. Donc on part d'une situation assez proche, en France et en Italie, de l'existence d'espaces qui, malgré des situations de renaissance rurale, pour citer Bernard Kaiser, d'espaces donc qui continuent quand même à perdre des habitants et qui peinent à retenir les activités économiques et les services. Par conséquent, le taux de vacance des édifices est parfois très élevé dans certaines régions, comme le montrent ces deux cartes de la vacance du logement en France et en Italie, qui, même si elles n'ont pas tout à fait la même légende, bon, bah, plus on va vers le rouge, plus on a une vacance élevée, et on voit que parfois on obtient jusqu'à 70% du parc de logement qui est vacant. Et le sujet naît finalement d'une première interrogation, qui consiste à dire, et si finalement ce patrimoine vacant devenait le support de nouveaux projets porteurs de développement. Donc il y a trois termes qui viennent, on va dire, cadrer mon sujet, mon positionnement théorique, c'est le patrimoine bâti, le projet et le développement territorial. Je vais démarrer par le patrimoine bâti, qui est défini par François Chauet comme une série d'espaces construits et d'objets construits, pardon, et d'espace. Si elle ne fait pas une liste des objets entrant dans la catégorie du patrimoine bâti, c'est parce que, tout comme le patrimoine en général, le champ d'application du patrimoine bâti s'est considérablement élargi et qu'aujourd'hui, finalement, ce n'est pas le type d'objet qui compte, mais plutôt le processus de construction. En ce sens, Isaac Shiva écrit en 1995 que la sélection de ce qui constitue le patrimoine revient à la société et qui choisit ce qu'elle a, je cite, « l'intention de conserver et valoriser ». Et plus qu'une intention, en 2007, Pierre-Antoine Landel et précédemment Maria Gravary-Barbas en 2002 parlent même d'un projet qui serait à l'origine de la construction du patrimoine. Donc on en arrive à la notion de projet. Qu'est-ce que le projet ? Boutinet écrit qu'il s'agit d'une matérialisation de l'intention, ce qui revient un petit peu à ce qu'on vient de dire précédemment, et pointe ainsi du doigt la polysémie du terme de projet, qui est à la fois l'objet conçu et le processus de conception. Ensuite, on peut dire que le projet est collectif, il permet l'intégration de différents points de vue, pour citer Anne Coste en 2006, ou bien encore, il est une réalité obtenue à travers une série de négociations entre une grande variété d'acteurs, pour citer Michel Calon en 1996. À ce titre, on peut dire que l'architecte est davantage en fait médiateur plutôt qu'auteur des projets d'architecture. Et enfin, le projet présente une vision du futur et anticipe des transformations à réaliser. On peut parler d'une projection dans le futur, puisque projet, de son étymologie, signifie « jeter en avant ». Et pour un groupe social, pour les acteurs d'un territoire, faire du projet, ça signifie aussi en quelque sorte croire en l'avenir et en ses possibles, et réfléchir collectivement, avoir envie de réfléchir collectivement aux formes que l'on souhaite lui donner. Le projet est en ce sens l'occasion et le prétexte de la connexion, pour citer Boltanski et Chiapello en 2012, qui entendent que les réseaux et les partenariats qui peuvent s'activer par le biais du projet pourront être porteurs d'autres dynamiques à la suite du projet, après le projet. Donc on en arrive à des questions de réseau, à des questions qui m'amènent au thème du territoire, et ce qui nous intéresse, ce sera de comprendre comment le patrimoine bâti peut participer au développement, et principalement au développement territorial, qui constitue une forme de développement construite par et pour le territoire, et qui semble donc être adapté à nos espaces en recherche d'attractivité qui visiblement n'ont pas trouvé de réponse dans les autres formes de développement. Donc il s'agit d'une forme de développement qui s'appuie sur des ressources territoriales. La ressource territoriale se compose donc d'un objet dont on peut dire qu'il est indissociable, non délocalisable, et qui va être ensuite activé, mis en valeur par un système d'acteurs du et pour le territoire. On peut... ce qui implique en fait que le développement territorial implique un rôle majeur des acteurs dans le territoire, et c'est à ce niveau-là que le développement territorial rejoint l'idée du projet local d'Alberto Magnaghi, puisque tous deux supposent une meilleure cohésion sociale et une gouvernance partagée et plus transparente. Alberto Magnaghi souligne dans de nombreux écrits l'importance d'un certain protagonisme de la communauté ou du collectif, selon les traductions. Chaque habitant, au sens large du terme, donc ça peut être pas seulement celui qui habite, mais aussi celui qui agit sur le territoire, doit être acteur à son niveau, sans attendre forcément une directive, une loi, une solution, des entités administratives supérieures. Donc, ce que je choisis de retenir, en tout cas, des nombreuses lectures et cette brève incursion dans mon état de l'art, c'est que le patrimoine bâti pourrait devenir peut-être, potentiellement, une ressource territoriale, puisque l'objet, le bâtiment, peut être considéré comme non délocalisable, mais il faut surtout qu'il soit activé par un système d'acteurs. Et d'autre part, nous avons vu que le projet est une action collective tournée vers le futur, et donc peut-être que le projet peut constituer cette activation qui fera du patrimoine bâti une ressource territoriale. Et ce qui m'interroge en tant qu'ayant une formation d'architecte, c'est, et si ce projet est d'architecture, qu'est-ce que cela va venir impliquer ? Ce qui donne donc la problématique suivante, en quoi le projet d'architecture relatif au patrimoine bâti peut participer au développement territorial. Donc se souvenant de la polysémie du terme de projet, qui est à la fois l'objet et le processus, j'ai formulé l'hypothèse suivante, que le projet d'architecture relatif au patrimoine bâti pouvait participer au développement territorial par sa nature à la fois d'objet, qui était capable d'accueillir de nouveaux usages qui auraient potentiellement des retombées, par exemple, économiques, mais aussi par le processus qui est générateur de connexions, comme on l'a vu précédemment, de liens sociaux, de participation. Donc pour répondre à, pour essayer de comprendre un peu mieux et répondre à ces questions, mes terrains d'études se décomposent en deux parties. Donc plusieurs projets se situant sur un même territoire sud-italien qui constitueront mes terrains principaux, et des projets secondaires situés en France qui viendront compléter les premiers et permettre la production de résultats qui soient valides en fait au-delà d'un certain contexte géographique et politique. Donc je vais vous parler aujourd'hui principalement des projets italiens. Il s'agit de quatre projets qui vont dans le sens de ce qui a été énoncé auparavant. C'est-à-dire que ce sont des projets d'architecture s'appuyant sur des objets reconnus comme étant un patrimoine bâti par la population locale. Et en plus de cela, ils ont tous une dimension territoriale, que ce soit à travers la visée, pour accueillir par exemple de nouvelles activités culturelles, artisanales ou touristiques qui auront une impulsion, une incidence sur le développement du territoire, ou par les acteurs qu'ils mobilisent. Donc je détaillerai le projet 2 et le projet 3 un petit peu plus loin. Et le dernier aspect qui nous intéresse de ces projets, c'est qu'ils se situent tous dans un contexte où il y a un souhait, une recherche d'un nouveau développement, d'une nouvelle attractivité, ce qui correspond à, disons, la dernière partie de la question. Donc, pour développer un petit peu ce contexte, les quatre projets se situent en Irpinia, qui est une province sud-italienne de la région Campanie, près de Naples. Donc, on est dans un contexte de moyenne montagne, où la population diminue. J'ai pris l'exemple significatif de Cairano, qui est l'un des villages qui est le lieu d'un des projets. Donc, la population diminue principalement parce qu'il y a peu d'emplois, et que les générations, donc les plus jeunes, et qualifiés tentent à partir. Ensuite, ce qui conduit à une grande quantité d'édifices vacants, mais ce n'est pas uniquement à cause de ces départs et d'un certain exode de la population, c'est aussi à cause du séisme qui a eu lieu en 1980. Dans de nombreux cas, on a préféré reconstruire ex novo à distance du village d'origine, ce qui a conduit en fait à doubler, voire tripler la taille des villages, comme le cas de Visacha, ancien et nouveau. Et ça a conduit en fait à l'abandon de quartiers entiers, qui pour certains sont encore quand même debout et dans un état relatif de conservation. Et enfin, ce qui est aussi à souligner en Irpinia, c'est l'existence d'un mouvement culturel. C'est comme ça que je le nomme, peut-être qu'il y a d'autres manières peut-être plus précises de le définir, mais c'est un mouvement qui est né il y a une dizaine d'années et qui s'affirme aujourd'hui, qui est porté par des associations culturelles et quelques architectes, qui essaient de faire connaître davantage le territoire et les ressources locales par différents événements et par le biais des réseaux sociaux. Ce n'est pas directement orienté pour attirer les touristes ou des investisseurs, mais plutôt dans un premier temps pour faire prendre conscience aux habitants et aux élus du potentiel du territoire et pour inciter les jeunes à rester et à entreprendre. Donc la méthode que je souhaite utiliser pour aborder ces terrains et donc ces projets, c'est d'analyser le discours produit autour de chacun des cas par les différentes parties prenantes du projet, clients, concepteurs, influenceurs, financeurs, etc. Et également une partie importante d'analyse de la production graphique des architectes pour comprendre les différentes étapes du dessin, quels ont été les paramètres peut-être extérieurs, les paramètres peut-être plus territoriaux qui ont eu une influence soit positive, soit de contrainte sur le projet, etc. Et puis il y a aussi l'idée d'expérimenter au-delà de l'analyse en prenant part à un projet porté par différentes associations et architectes de l'Irpinia autour de la connaissance et de la sauvegarde d'un certain patrimoine qui sont les Masserrières. Donc le projet des Masserrières en Irpinia consiste au montage d'un dossier en direction de la région pour le financement de projets pilotes de restauration des Masserrières, qui sont ces fermes typiques du sud de l'Italie, qui ont des variations architecturales selon les régions. C'est un projet qui est porté par trois associations, deux qui s'occupent de promotion territoriale et d'animation culturelle, c'est comme ça qu'elles se définissent, en Irpinia, et une qui est spécialisée dans la communication via les réseaux sociaux des architectures remarquables de la compagnie. Et dans ces trois associations, on a surtout deux architectes clés, dont l'un travaille en tant qu'architecte et s'occupe de nombreux projets de restauration en Irpinia, et ce depuis bientôt 30 ans, je pense. Donc le début du projet prévoit la collecte de données de données relatives aux Masserrières et leur publication via un site internet, ainsi que l'identification des édifices qui pourront faire l'objet des projets pilotes. Une journée d'études ensuite au mois de mars permettra de poser la question de la valorisation et de la transformation de ces édifices à un ensemble de participants qui seront des acteurs du territoire, des architectes et des chercheurs peut-être plus extérieurs aussi. Et suite à ce moment de réflexion et de proposition, la conception des projets pilotes et le montage du dossier pourront se poursuivre. Donc ce projet, ça m'a intéressé de le rejoindre parce qu'il constitue d'une part une forme de projet de territoire puisqu'il concrétise une action collective qui a une visée et des implications territoriales et en même temps il englobe une partie de projet d'architecture autour d'un élément qui peut être considéré comme un patrimoine. Donc l'observation participante à ce processus me permettra, je pense, de comprendre un petit peu tout au long du processus si l'hypothèse se valide ou non. Et aussi, principalement, autour de la question des connexions et que peut générer la question du projet. Donc, pour terminer, je vous propose une première piste d'analyse qui est issue de réflexions croisées sur deux projets auxquels j'ai commencé à me confronter. Le premier, c'est l'Académie de design rural, qui a été conçue par les architectes de Beauty Studio, dont vous voyez un visuel à l'écran. Donc c'est un projet qui n'a pas été réalisé, mais qui prévoit la réutilisation des ruines d'Aquilonia, qui est une ville qui a été reconstruite ex novo après un séisme en 1930 cette fois. Et le projet prévoit donc d'insérer des sortes de cellules dans les ruines qui abriteraient des ateliers d'artisanat, un Fab Lab et des lieux destinés à la formation et à la rencontre entre des artisans et des designers. Et les architectes, dans leur quête de financement et de soutien politique pour réaliser ce projet, ont obtenu une petite somme d'argent de la part du GAL, du groupe d'action locale, qui leur a permis non pas d'expérimenter la forme architecturale, qui était un peu compliqué, mais au moins de tester le concept qu'ils souhaitaient développer, donc celui de la rencontre entre les savoir-faire traditionnels locaux et la jeune génération du numérique et de l'innovation. Donc ils ont organisé un workshop durant lequel deux designers italiens sont venus travailler avec des participants qui étaient d'une part des étudiants et des habitants curieux et des artisans locaux et qui ont dû en une semaine concevoir des objets en s'inspirant, de l'environnement dans lequel ils se trouvaient. Et ce qui a pu être observé la phase de workshop, c'est que ça a modifié la manière de travailler des artisans. Ça leur a fait comprendre que le savoir-faire précieux qu'ils avaient pouvait servir de base pour produire de nouveaux objets, pour innover et se saisir de marchés, peut-être auxquels ils n'ont pas pensé précédemment. Et de la même manière, ça a permis de mettre en évidence, comme me l'a expliqué l'architecte, que la plus grande bibliothèque, c'est le territoire, et que finalement, designer, architecte, pouvait avoir une pratique plus territorialisée, en s'inspirant finalement de ce qu'on trouve dans la nature. Pour la petite anecdote, voilà, un collier qui était sur les vaches qui a pu inspirer par exemple une boîte à fromage. Et de la même manière, les architectes de Beauty Studio ont fait évoluer leur projet après le workshop en changeant la matérialité de certains sols, de certains isolants, en se rendant compte finalement qu'il existait des savoir-faire à proximité auxquels ils n'avaient pas forcément pensé auparavant. Le second projet dont je vais vous parler, c'est une série de workshops qui s'intitule Update, qui est portée par deux jeunes architectes de l'agence Saonsa. Ce sont des projets qui visent à la requalification de lieux publics sur commande des communes qui financent le projet. Après une première phase d'écoute des habitants, des écoles, des offices de tourisme du village, les architectes proposent un workshop de conception et construction en une semaine, avec des matériaux commandés à l'avance, qui sont principalement le bois. Les participants, cette fois, sont exclusivement des étudiants et des jeunes diplômés d'architecture, mais il s'est vu que dans chaque cas, les habitants ont voulu mettre la main à la pâte, en quelque sorte, en voyant qu'il se passait quelque chose dans le village. Ils ont eu envie aussi d'être acteurs, et donc, soit ils sont allés donner un coup de main, soit ils ont préparé les repas, apporté le café, etc. Ils ont voulu participer à cette dynamique qui existait. Et surtout, ce qui a été observé ensuite, c'est que les lieux ont été, d'une part, appropriés. On a vu des ajouts, des gens qui ont amené des chaises parce que, finalement, ce qui avait été fait leur inspirait, là, par exemple, de venir à cet endroit auquel ils n'avaient pas forcément pensé avant, mais pour observer le paysage, donc on a amené des chaises. Dans certains cas, ils ont été transformés, on a repeint, on a changé la couleur, ou encore complété l'œuvre qui avait été réalisée, ajouté des choses. Donc, des choses auxquelles les habitants, visiblement, n'avaient pas pensé avant, puisque ce sont des espaces qui étaient totalement délaissés et dont ils ne s'étaient pas saisis, même si, dans tous les cas, les architectes soulignent que ces gens étaient tout de même attachés aux lieux et que c'est des lieux qu'ils regrettaient de ne pas pouvoir utiliser. Donc, dans les deux cas, ce qui m'a intéressé de ces deux projets, ce qui m'a donné envie de les croiser, c'est que le projet, dans les deux cas, semble agir comme un stimuli qui pousse des habitants, des participants du projet à devenir plus créatifs et surtout à devenir acteurs. Dans un cas, il s'agit de réinterpréter le savoir-faire et dans un autre cas, de continuer une réalisation après le départ des architectes. Et cela pourrait avoir des retombées en termes de développement territorial dans le sens où cela conduit à un plus grand protagonisme, si on veut reprendre les termes d'Alberto Magnaghi, des acteurs locaux, leur donnant envie d'entreprendre. Voilà, donc c'était une piste, en fait, qui est une sorte d'intuition, qui est une chose que je vais essayer d'aller d'aller préciser par l'analyse. Et on peut envisager d'autres pistes que j'ai écrites brièvement là, mais que je ne vais pas du tout développer parce que moi-même, je ne suis pas du tout au point dans la réflexion sur ces objets. Mais je vais simplement conclure en disant que par ce travail de thèse, ce qui m'intéresse, donc ça va être... dans ce travail de thèse, ce qui m'intéresse, ça va être d'une part de produire une connaissance pour le territoire étudié, de leur apporter un regard extérieur sur leurs pratiques, qu'ils demandent énormément, mais aussi de participer au rapprochement entre l'architecture et les sciences territoriales, à la mise en lien des concepts et à faire un petit peu dialoguer davantage ces deux matières qui sont assez proches. Voilà, je vous remercie. Merci Lucie. Cette fois, je ne fais pas l'erreur. Bonjour Nathalie, vous avez des questions. J'ai une question sur le statut juridique à la fois du foncier et de l'immobilier, même ruiné, dans cette région qui vous intéresse. Ça dépend des cas. Ce qui est par exemple, alors j'ai pas encore toutes les réponses concernant tous les projets que j'étudie. Mais dans le cas, par exemple, de l'abandon du village qui fait l'objet du projet d'Académie Design Rural, c'est la grande difficulté du projet, c'est que en fait, les ruines appartiennent quand même à leur propriétaire, qui ensuite, vu que c'était en 1930, aujourd'hui il y a une ou deux générations qui sont passées, et les bâtiments, les ruines sont divisées en plusieurs personnes. Donc c'est là aussi où les architectes, au-delà d'un financement, ils ont besoin d'un soutien aussi politique, en tout cas l'aide aussi de la commune, pour que la commune se porte acquéreur des ruines, etc., qui sont visiblement pas utilisées, pas exploitées par leurs propriétaires. Finalement, dans le cadre de ce projet, la commune a réussi à obtenir, à acheter cette partie en ruine, mais le projet qui va être retenu ne sera pas celui-là. Parce qu'il me semble que, si vous voulez, vous avez commencé votre exposé en évoquant des pourcentages très importants de vacances, de logements. Vous êtes concentré sur le sud de l'Italie, mais on pourrait donner 20 exemples plus proches géographiquement de nous. Et le premier obstacle, effectivement, c'est on a d'autres, mais la question de la propriété, de l'éventuelle déclaration de situation d'abandon manifeste, de l'expropriation, de la réacquisition, puis de la rétrocession. Toutes ces questions sont évidemment fondamentales. Si elles ne sont pas réglées, rien n'est réglé. Et c'est toujours une question compliquée parce que dès qu'on entre dans un processus de ce type, dans un horizon de valorisation, on crée presque automatiquement, par anticipation, de la valeur au point de réveiller les appétits de ceux qui détiennent les droits sur ces terrains et ces bâtiments. C'est une question très ancienne en urbanisme, que la question de savoir comment on peut agir avec ces mécanismes-là. Et je pense que votre sujet vous oblige absolument à être clair sur les conditions dans lesquelles vous vous approchez de ça. Par ailleurs, on l'a évoqué déjà ce matin, la question des communs auxquels je faisais allusion est aussi de nature à apporter un éclairage différent à ce qui se situe sur cette frontière éventuellement flottante entre le domaine public et le domaine privé. Parce que je pense que vous avez absolument besoin d'être très solide et convaincante là-dessus. Sinon, vous avez soit un sujet sur les ruines dans le paysage de la compagnie, ou bien un sujet sur la restauration à des fins touristiques ou de villégiature d'une situation d'abandon. Vous voyez, je pense qu'il faut que vous donniez à votre propos un substrat juridique convaincant. Ce n'est pas à vous qu'il appartient de résoudre ces questions, j'entends bien. Mais je pense que vous ne pouvez pas être vous abstenir sur ce sujet. D'autant plus que vous parlez de développement territorial. Donc votre question n'est pas simplement une question d'adaptation, de réhabilitation, de restauration. Vous avez véritablement une question de développement territorial. Et est-ce que vous avez accès à des sources est-ce que vous connaissez le cadastre? Je n'ai pas encore consulté, mais je pense que... Alors, je sais que le cadastre, c'est assez compliqué de récupérer en Italie, mais bon, ce serait bien d'avoir accès, en effet. Et puis, les ressources mobilisables, y compris sur le plan financier, comment ça se passe? On sait que dans le sud de l'Italie, ce n'est pas très simple. C'est pas très simple. Bon. Non, en effet, non, je pense que oui, bien sûr. Non, j'ai quand même accès à beaucoup. Si vous apportez un peu de clarté sur ces sujets, vous nous donnez des clés absolument essentielles pour, se représenter les chances de redéveloppement de cette région appauvrie. J'aurais éventuellement une autre question sur la façon dont vous avez sélectionné vos projets, parce que bon, on a des propositions qui m'apparaissent comme un petit peu opportunistes, si vous voulez. On vient s'installer dans un lieu propice pour développer un projet en design rural, une activité d'atelier, etc. Est-ce qu'il y a véritablement une stratégie, en dehors de ceux qui prennent ces initiatives, une stratégie de développement territorial? Et portée par qui? Je pense que les personnes qui portent le projet parlent vraiment de la possibilité, en fait, d'un nouveau développement qui partirait, qui passerait par la redécouverte des savoirs artisanaux, etc. Mais ça trouve très peu de Il n'y a pas vraiment d'autres personnes qui les soutiennent dans cette voie. Je veux dire, le GAL est assez... alors, ils ont eu un peu des soucis avec le GAL, mais le GAL était à peu près à participer d'une manière ou d'une autre. Il y avait une rencontre entre les personnes qui portaient ce projet-là et le GAL. Mais même au niveau de la commune, c'était déjà plus compliqué, etc. Donc, il y a... Enfin, c'est pas... Au départ, je pense que ça vient pas de... Oui, c'est pas quelque chose forcément d'opportuniste. Mais oui, enfin, il n'y a pas forcément de... C'est pas une objection que je vous pose. Ouais, ouais. Du coup, ça change aussi un peu la nature de l'approche. Ouais. Si ça n'est pas saisi dans une stratégie publique de développement territorial, alors on est plutôt dans le cadre d'une sorte de front pionnier de réhabilitation, requalification, etc. C'est un petit peu un sujet très intéressant. C'est un petit peu en fait la situation générale de l'Irpinia. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projets comme ça qui sont sur le point d'émerger ou qui sont portés par des architectes, par des associations, etc., qui trouvent absolument pas de réponse qui ne rencontrent absolument pas des intentions politiques et qui sont du coup jamais inscrites dans une stratégie. Et les gens... du coup, on a l'impression que la stratégie, les stratégies qui sont mises en place ne rencontrent jamais ces projets qui sont plutôt portés par le bas, si on peut dire. Et donc c'est là tout l'enjeu de ces projets-là qui essaient en fait, en effet, d'être un peu des fronts pionniers, mais qui essaient de petit à petit, par l'accumulation aussi des projets, par les liens qui se créent entre des personnes qui vont porter des projets assez semblables, différents projets que je vais étudier, etc., qui disent « bon, bah, faut qu'on s'unisse parce qu'il faut qu'on réussisse à faire bouger les choses ». Ces gens-là, ils ont envie de développement territorial, ils ont envie que ça se passe chez eux, mais ils ne savent pas trop par quel bout prendre le problème, parce qu'en face, ils ne trouvent jamais de rencontre, ils ne trouvent jamais d'interlocuteur politique qui vraiment va permettre d'asseoir une vraie stratégie durable. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui passe par le monde associatif et que je m'aperçois qu'il passe aussi par ces projets d'architecture un petit peu qui essaient je sais pas, peut-être de communiquer, de revendiquer un petit peu quelque chose et d'essayer de faire avancer et de réussir à convaincre des politiques locaux. En fait, c'est un petit peu la situation qui se passe là-bas. Oui, donc moi j'avais en fait une question par rapport à la problématique, parce que en vous écoutant, je me posais la question si cette fameuse question que vous posez avec votre thèse, c'est vraiment celle du patrimoine bâti. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer, en fait, au tout début, parce qu'on a parlé de vacances importantes, de logements, donc de ce patrimoine bâti qui... Il faut dissocier la notion de patrimoine tel que, voilà, d'un patrimoine bâti, en effet, d'un héritage bâti dont on a aujourd'hui, dont on ne sait que faire dans nombre de nos régions, un peu partout, dans nombre de pays d'Europe. Et en vous écoutant, donc en entendant cette problématique, comment ce patrimoine bâti peut contribuer, pourrait contribuer au développement d'un projet de territoire, donc pourrait constituer une ressource territoriale, j'ai envie de dire que c'est une forme d'évidence maintenant. C'est une évidence. Après, en vous écoutant, je me suis interrogée si en fait, parce qu'on voit bien qu'ensuite les projets qui se développent, que vous nous avez présentés, on n'est plus sur du bâtiment de moitié, on est sur des ruines parfois. Donc je me suis dit, est-ce que ce qui vous intéresse, c'est plutôt le type, en fait, de projets, le genre de projets qui sont développés, et donc là, il va falloir en effet bien constituer le corpus, c'est-à-dire quelles sont les expérimentations qui sont faites en termes de projets, qui sont développés dans certains contextes, en effet, où il y a, on va dire, pas forcément une vacance, mais tout au moins une perte d'activité, un territoire qui, comme tout territoire, parce que tout territoire recèle des ressources. Après, il faut que ces ressources correspondent, on va dire, à des besoins d'aujourd'hui ou à des activités économiques d'aujourd'hui. Et malheureusement, en effet, pour le patrimoine, cette fois-ci, labellisé, la pire, j'ai envie de dire, des économies qu'il est à subir aujourd'hui, c'est l'économie du tourisme. Je veux dire, c'est la seule chose qu'on apporte, voilà, on apporte du tourisme, que ce soit du tourisme des cartes de touristes ou que ce soit du tourisme lié parce qu'on va là permettre à des universitaires de faire des séminaires ou parce qu'on va permettre, je ne sais pas trop quoi, n'importe quel type d'activité, ce qui peut permettre, c'est très bien à un certain territoire de développer une belle activité jusqu'à une certaine mesure. Donc là, moi, ma question, c'était, est-ce que ce qui vous intéresse, ce sont ces expérimentations qui sont tentées par ces collectifs d'architectes et autres, et auquel cas, ce qu'il faut analyser, c'est ça, et auquel cas, pour moi, la question n'est pas est-ce que, comment le patrimoine bâti peut contribuer au développement d'un projet de territoire. Enfin, il me semble que la question, elle est autre. Elle est sur, en effet, cette énergie qui est mise à un moment donné, cette énergie collective, pour construire un projet qui est co-construit, avec toutes les questions que pose Jean Attali. C'est-à-dire, en effet, ensuite, d'un point de vue administratif, d'un point de vue législatif, comment sont construits ces projets? Parce que pour revenir sur des territoires en déshérence en France, et notamment, je ne sais pas si Charline est toujours là, mais donc on a quand même de l'argent, pas forcément beaucoup, mais on a de l'argent qui a été mis sur certaines opérations, où on mobilise justement des collectifs d'architectes, des collectifs de paysagistes, des collectifs de... y compris on fait contribuer des universitaires, etc., pour créer des réflexions sur ces territoires. Et puis, au final, c'est plus ou moins satisfaisant. C'est-à-dire que pendant un an ou deux, en effet, il se passe quelque des choses. On remobilise une certaine dynamique habitante, etc. Mais ce n'est pas ce qui va permettre néanmoins à ces territoires de vivre, c'est-à-dire de retrouver une activité économique pérenne. Et donc, c'est ça, moi, que j'ai envie de dire, que j'aurais envie d'interroger dans ce que vous nous avez exposé. Est-ce que c'est justement parce que ces projets-là, ils ont, ils s'inscrivent dans quelque chose qui pourrait devenir pérenne, et justement, qu'est-ce qu'ils mettent en œuvre en termes de stratégie, de politique publique? Est-ce qu'ils vont chercher, j'en sais rien, moi, de l'argent en Europe, ou je ne sais pas, enfin, voilà, pour dépasser le stade expérimental de certaines opérations qu'on a pu connaître sur certains territoires, au bout de 2 ans, le collectif, il n'a plus d'argent, il s'en va, et puis les habitants se retrouvent avec leur village en ruine, enfin, presque en ruine. Et il me semble que, du coup, si vous repérez de ces actions collectives qui seraient intéressantes, la vraie question, c'est plus justement, il me semble, dans ce type-là de collaboration, de montage qui est fait, peut-être que là, il y a une vraie... Oui, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Juste pour repréciser, c'est vrai que la question du patrimoine bâti comme ressource pour le développement territorial, elle est assez évidente. C'est pour ça que moi, je la pose en termes de qu'est-ce que le projet d'architecture apporte à ça, et comment le projet d'architecture permet cette mise en ressource du patrimoine. Et justement, c'est vrai que c'est quelque chose c'est vrai, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ce que génère, en fait, la phase de projet. Et ça peut être... vous parlez de la pérennité, ce qui reste après et ce qui devient pérenne. Justement, c'est ce que j'essaie de cibler, en fait. C'est ce que j'essaie de cibler quand je dis dans l'hypothèse que une partie des réponses va être dans ce que le processus du projet d'architecture apporte. C'est justement, qu'est-ce qui reste après le temps du projet? C'est finalement qu'est-ce qui se passe pendant le temps du projet, mais ne va pas mourir quand les architectes vont partir. Donc, c'est pour l'instant, mes éléments de réponse, évidemment, sont ténus. Mais c'est bien la question que je pose, et c'est bien ce que je vais chercher à comprendre par ce travail de thèse. Et entre autres, il y a les cas que j'ai choisis, je pense, dans les deux cas, misent justement sur une certaine pérennité, si je ne suis pas entrée dans le détail de chacun, puisque on a à chaque fois la rencontre entre, oui, il y a le projet d'architecture, et oui, il va se passer quelque chose, mais tous ces projets, même si c'est plus ou moins vrai pour l'Académie de design rural, puisqu'elle n'a pas réalisé, mais en tout cas, dans les deux autres projets que malheureusement je n'ai pas développés aujourd'hui, on a la rencontre vraiment entre le projet d'architecture, entre un moment où des financements arrivent et où on va pouvoir reconstruire une partie du village, et un projet culturel, territorial, d'exploitation de ces lieux, qui va permettre justement que ça ne va pas être un projet. Parce que aussi, quelque chose qui est très très très diffus dans cette partie-là, c'est qu'avec la reconstruction du séisme de 1980, il y a eu des fonds qui sont arrivés en masse, et on a reconstruit tous les centres-bourgs, sauf qu'ils sont tous vides aujourd'hui, parce qu'au moment du projet, on s'est juste attelé à remettre les pierres et faire que tout soit exactement la même image qu'avant, et on n'a pas du tout pensé à quel usage ça pouvait accueillir, etc. Donc là, ouais, il y a vraiment des cas très emblématiques où, oui, il y a eu le temps du projet, mais ça a apporté à rien du tout en termes de développement, parce qu'on a juste consolidé ce qui était tombé, et on n'a pas du tout pensé à l'exploitation. Le temps de la reconstruction, mais pas de projet. Le temps de la reconstruction, oui. Et surtout qu'il était très long, donc les gens sont partis vivre ailleurs, parce que tout simplement, il fallait bien qu'ils vivent quelque part le temps qu'on reconstruit. Oui, aussi, bon, avec les cas dont je parle, c'est plutôt tout ce qui est la partie publique. Et le captage, je refuse la reconstruction. Oui, évidemment. Oui. C'est une vraie question. Non, il ne faut pas faire la passe là-dessus. Hein. Même si je vais essayer de ne pas me mettre à dos les mafieux le temps de mon travail de terrain. J'en parlerai ensuite. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Charles. Moi, je me suis posé la même question, Catherine, pendant ta présentation de la problématique, donc je ne vais pas revenir sur ça. Ce qui m'a. Là, ça va être un peu des commentaires, remarques qui viennent en fonction de. Donc, ce qui m'a posé, ce que je trouvais ça intéressant peut-être, c'est de poser le patrimoine bâti comme ressource, mais aussi comme cadre dans lequel tu vas, comme élément de cadre, pour définir tes critères de sélection de tes cas d'observation. Donc, ça peut être un élément, parce que dans un local, j'ai vu que c'était plutôt de l'espace public. Est-ce que c'est de l'espace public? Parce que c'est l'intervention dans le bâti, c'est pas les mêmes positionnements. Je ne sais pas si ça peut évoluer, mais ça peut peut-être permettre de filtrer. Après, dans ton analyse et par rapport à ce que tu soulèves, je n'avais pas l'impression que tu regardais forcément la programmation. Je n'ai pas ressenti, en tout cas dans ta présentation, que la programmation allait terminer mon analyse. Mm-hmm. Alors, par rapport à l'action que tu soulèves, notamment le développement territorial, ça me paraît même fondamental, normalement, la conception du projet. Savoir quel type d'usage on met dans l'espace, quel impact ça peut avoir par rapport au réseau d'acteurs locaux, voire au réseau des associations d'architectes. Donc ça me paraît même un des préliminaires du travail d'analyse que tu peux apporter par rapport à ce travail. Du coup, ça revient aussi à la question de l'échelle. Donc, plus quel impact a ces projets que tu veux observer sur le territoire, notamment dans peut-être une dynamique de s'insérer dans un projet de territoire plus global. Est-ce que ça a un impact à l'échelle de la commune, à l'échelle de. Je ne sais pas si on peut dire intercommunalité dans une ville italienne, mais voilà. Donc, non, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Dans ces différentes échelles de relations, même peut-être, est-ce que ces projets qui sont mis en place se mettent aussi en réseau les uns avec les autres, soit par l'expérience, connaissance, matériaux, peu importe, mais du coup, est-ce que ça implique aussi une mise en réseau de ces projets à court terme comme à long terme. Et du coup, si tu trouves des expériences en France, je suis intéressée parce que j'en ai bien. Et du coup, pour avoir des références d'initiatives de cet ordre-là, en travaillant vraiment sur le département de l'Allier, ces problématiques de projet de territoire et de comment on investit ces bâtiments vacants qui composent parfois jusqu'à 30% de parties du tissu urbain. Et comment on investit, quel type de projet on met en œuvre, s'il n'y a pas une partie politique quand même ultra forte à soutenir les initiatives privées, en fait, c'est très très court. Il n'y en a quasiment pas, d'initiatives habitantes ou associatives. Et la part du politique est quand même, il paraît primordial dans le réinvestissement de ce. Je pense qu'il faut les deux en fait, parce que je pense que si le politique agit tout seul sans qu'il y ait à un certain moment une prise de conscience et un intérêt de la population qui vit dans ces lieux ou à proximité, je pense que dans tous les cas, le politique pourra investir tout ce qu'il veut si en face les habitants s'en fichent de ce patrimoine. Moi, c'est en débat, hein, mais je pense vraiment que ça va pas forcément. Je pense qu'il faut vraiment les deux, quoi. Sur cette question-là, du coup, ça me fait penser même à ma thèse, quand on est quand même sur des sujets assez similaires, mais c'est vrai qu'il y avait cette décision où soit c'était en bottom-up par les habitants et ça avait ses limites, et puis soit complètement en top-down avec des pouvoirs beaucoup forts, mais après l'intersection elle se situe là, et c'est vrai que c'est. Et notamment par rapport aux enjeux économiques aujourd'hui, on a la baisse des budgets, des grosses structurations territoriales fortes. Il y a ces intermédiaires-là qui sont à travailler. Et je pense que par rapport au projet que tu dis, aux échelles aussi, les problématiques électorales que tu vas faire face, ça peut être des choses intéressantes à trouver. En tout cas, j'espère que tu nous apporteras. J'espère, à côté. C'est une toute petite question. Ouais. C'était par rapport à vos pistes en France, justement, territoire, qui auraient des. Alors, soit des projets, justement, à l'échelle plus vaste. Alors, j'ai en effet. Ayant, disons, ce terrain-là qui s'est un peu imposé à moi et dans lequel j'ai trouvé vraiment de quoi faire aussi évoluer ma problématique, Bon, la question des terrains français n'est pas du tout résolue, mais j'ai quand même un petit peu l'idée en tête d'aller, d'aller chercher du côté des lieux de coworking, des tiers-lieux et autres, autres synonymes qu'on peut trouver, puisque dans un certain nombre de cas, on observe à la fois l'envie de conserver, de sauvegarder un élément, un objet patrimonial, par exemple au sein du village, et en même temps, ça rencontre une dynamique plutôt d'ordre territorial, de dire on va proposer sur nos territoires des lieux de coworking dans lesquels les gens qui veulent faire du télétravail, qui travaillent chez eux ou autres, pourront trouver là un petit peu une... comment dire, une aménité, je ne sais pas si on peut parler d'aménité, mais enfin, vont trouver dans notre territoire des bonnes raisons de s'installer et ça peut être un moyen de dynamiser. Donc quand on a à la fois cette question réutilisation d'un objet patrimonial et volonté d'une dynamique en proposant une valeur ajoutée au territoire, je vais aller en tout cas chercher dans cette direction des lieux de coworking, mais aussi... j'avoue que pour l'instant, je ne sais pas si ça va être porteur, mais c'est une piste. Parce qu'en fait, ça m'a fait penser au projet sur lequel on a travaillé dans le master édification du territoire, c'est au projet Biovallée dans la Drôme. Sur certaines thématiques et questions, ça m'a fait penser à ça. La question notamment de l'abandon du patrimoine bâti et de la sollicitation d'élèves architectes pour remobiliser cet espace. Et du coup, la labellisation d'un territoire en vue de redévelopper les activités. Oui, j'avais une question parce que d'emblée, ce genre de méthodologie que j'ai pas bien compris, que d'emblée vous citez architecture et sciences du territoire, sciences du territoire, et quelles sont ces sciences et que, sur quelle logique méthodologique elles s'appuient, un rapport à ce qu'on a vu jusque-là, c'est l'urbanisme, c'est quoi, enfin je veux dire, pourquoi. D'où ça vient et quels sont les éléments qui font que ça oriente votre manière de travailler sur les exemples qui sont là, que vous prenez, qui peuvent être discutés au nom de leur choix, mais après, c'est sur la méthode de recherche. J'ai pas bien vu l'angle de l'attaque, parce que soit il y a un registre méthodologique propre à ces sciences territoriales qui seraient différentes de d'autres, lesquelles. Alors, je pense que la question de placer ce sujet dans, à la fois en architecture et en sciences territoriales, c'est une question qui, selon moi, n'est pas, ne peut pas se résoudre uniquement en architecture. Et en fait, moi, j'avais aussi cette curiosité d'aller de me confronter à des questions, on va dire, plutôt d'ordre territorial et poser la question de l'architecture, on va dire, un petit peu dans ses implications, pas seulement au niveau de l'édifice, mais plus loin. Alors, j'aurais beaucoup de mal à vous définir les sciences territoriales. Je m'excuse directement auprès de mon directeur de thèse. Pour moi, c'était... Moi, je suis vraiment en difficulté avec votre question, mais ouais, pour moi, c'était vraiment l'idée de lier ouais, vraiment des préoccupations qui étaient d'ordre plus proche, on va dire, peut-être de la géographie et plus proche de l'architecture. Et peut-être que les sciences du territoire, c'est à la fois... c'est plus proche de l'architecture que la géographie, dans le sens où ça... Non, là, je vais pas réussir. J'essaye. Hein. J'étais bien partie, mais j'arrive pas trop à vous expliquer. J'ai pas encore assez réfléchi à la question. Peut-être juste un mot, parce que vous avez posé une question très, très dépasse la n'a pas fait la démonstration de ce que la science dans laquelle elle s'inscrit, parce qu'elle y participe, mais globale, y compris pour les architectures, parce que c'est une science architecturale. Et bien, une réponse. C'est toujours très compliqué. Donc, c'est une petite réponse. Les sciences territoriales, c'est une initiative relativement récente hein, dans l'histoire de la science contemporaine, parce qu'il y a que les Québécois qui ont fait ça il y a 20 ans. Et les Italiens ont fait ça il y a 10 ans, donc ils travaillent aussi à bien nous rapporter du matériau comparatif avec ce que nous on fait ici en France. Et en France, c'est une fédération de recherche qui a été créée par CNRS. C'est la seule fédération de recherche qui a été créée par CNRS depuis au moins 3-4 ans, je crois. CNRS en fait très peu, en SHS, et créée cet été. Elle a été créée cet été officiellement. Dont d'ailleurs, une grande partie des gens de l'école d'archives de sont membres, c'est de la plus en plus d'archives. Donc l'idée, c'est quand même que ça se solidifie, y compris du point de vue des méthodos. Mais pour tout répondre quand même très directement, les sciences territoriales proposent une entrée sur la question territoriale par les sciences de l'action, c'est-à-dire la méthodologie où le but de l'action n'est pas défini a priori. Donc en gros, c'est une méthode constructiviste qui emprunte tout ce qui relève de l'interaction. L'interaction définit les sciences de l'action plus que les schémas déterministes, hein, les débats que j'ai parlé juste avant. Mais c'est pas son sujet, effectivement, fréquenter des territorialistes italiens qui, en gros, eux disent qu'il faut des sciences territoriales en se mettant dans l'action. C'est-à-dire ils font des plans paysagers, ils rentrent dans des partis pris architecturaux en disant comment est-ce qu'on peut, en gros, provoquer plus de conséquences sur des objets de la société par l'entrée territoriale. Et ils ont réussi un coup extraordinaire avec Florence, c'est un peu leur modèle de base, sur lequel ils ont fait une dizaine de vidéos, mais ils continuent à faire des objets différents et à des échelles différentes.